Chapitre 1er. Le tiers-État est une nation complète. Que faut-il pour qu'une nation subsiste et prospère? Des travaux particuliers et des fonctions publiques. On peut renfermer dans 4 classes tous les travaux particuliers. Premièrement, la terre et l'eau fournissant la matière première des besoins de l'homme, la première classe dans l'ordre des idées sera celle de toutes les familles attachés aux travaux de la campagne. Secondement, depuis la première vente des matières jusqu'à leur consommation ou leur usage, une nouvelle main-d'œuvre, plus ou moins multipliée, ajoute à ces matières une valeur seconde plus ou moins composée. L'industrie humaine parvient ainsi à perfectionner les bienfaits de la nature et le produit brut parvient à doubler, décupler, centupler de valeur. Tels sont les travaux de la seconde classe. Troisièmement, entre la production et la consommation, comme aussi entre les différents degrés de production, il s'établit une foule d'agents intermédiaires, utiles tant aux producteurs qu'aux consommateurs. Ce sont les marchands et les négociants. Les négociants qui comparent sans cesse les besoins des lieux et des temps, qui spéculent sur le profit de la garde et du transport. Les marchands qui se chargent en dernière analyse du débit, soit en gros, soit en détail. Ce genre d'utilité désigne la troisième classe. Quatrièmement, outre ces 3 classes de citoyens laborieux et utiles, qui s'occupent de l'objet propre à la consommation et à l'usage, il faut encore dans une société une multitude de travaux particuliers et de soins directement utiles ou agréables à la personne. Cette quatrième classe embrasse depuis les professions scientifiques et libérales les plus distinguées jusqu'aux services domestiques les moins estimés. Tels sont les travaux qui soutiennent la société. Qui les supporte? Le tiers-État. Les fonctions publiques peuvent également, dans l'État actuel, se ranger toutes sous 4 dénominations connues. L'épée, la robe, l'Église et l'administration. Oh, il serait superflu de les parcourir en détail pour faire voir que le tiers-État y forme partout les 19/20e. Avec cette différence, qu'il est chargé de tout ce qu'il y a de vraiment pénible, de tous les soins que l'ordre privilégié refuse d'y remplir. Les places lucratives et honorifiques seules y sont occupées par des membres de l'ordre privilégié. Lui en ferons-nous un mérite? Il faudrait pour cela, ou que le tiers refusât de remplir ses places, ou qu'il fût moins en état d'en exercer les fonctions. On sait ce qui en est. Cependant, on a osé frapper l'ordre du tiers d'interdiction. On lui a dit « Quels que soient tes services, quels que soient tes talents, tu iras jusque-là, tu ne passeras pas outre. Il n'est pas bon que tu sois honoré. » Quelques rares exceptions, senties comme elles doivent l'être, ne sont qu'une dérision. Et les discours qu'on se permet dans ces occasions rares ne sont qu'une insulte de plus. Si cette exclusion est un crime social envers le tiers-État, pourrait-on dire au moins qu'elle est utile à la chose publique? Ne connaît-on pas les effets du monopole? S'il décourage ceux qui l'écartent, ne sait-on pas qu'il rend inhabile ceux qu'il favorise? Ne sait-on pas que tout ouvrage dont on éloigne la libre concurrence sera fait plus chèrement et plus mal? En dévouant une fonction quelconque à servir d'apanage à un ordre distinct parmi les citoyens, a-t-on fait attention que ce n'est plus alors seulement l'homme qui travaille qu'il faut salarier, mais aussi tous ceux de la même caste qui ne sont pas employés, mais aussi les familles entières de ceux qui sont employés et de ceux qui ne le sont pas? A-t-on fait attention que cet ordre de choses, bassement respecté parmi nous, nous paraît méprisable et honteux dans l'histoire de l'ancienne Égypte et dans les relations de voyage aux Grandes Indes? Mais laissons des considérations qui, en agrandissant la question, en l'éclairant peut-être, ralentiraient pourtant notre marche. Il suffit d'avoir fait sentir que la prétendue utilité d'un ordre privilégié pour le service public n'est qu'une chimère, que sans lui, tout ce qu'il y a de pénible dans ce service est acquitté par le tiers, que sans lui, les places supérieures seraient infiniment mieux remplies, qu'elle devrait être naturellement le lot et la récompense des talents et des services reconnus, et que si les privilégiés sont parvenus à usurper tous les postes lucratifs et honorifiques, c'est en même temps une iniquité odieuse pour la généralité des citoyens et une trahison pour la chose publique. Qui donc oserait dire que le tiers-État n'a pas en lui tout ce qu'il faut pour former une nation complète? Il est l'homme fort et robuste, dont un bras est encore enchaîné. Si l'on ôtait l'ordre privilégié, la nation ne serait pas quelque chose de moins, mais quelque chose de plus. Ainsi, qu'est-ce que le tiers? Tout, mais un tout entravé et opprimé. Que serait-il sans l'ordre privilégié? Tout, mais un tout libre et florissant. Rien ne peut aller sans lui. Tout irait infiniment mieux sans les autres. Il ne suffit pas d'avoir montré que les privilégiés, loin d'être utiles à la nation, ne peuvent que l'affaiblir et lui nuire. Il faut prouver encore que l'ordre noble n'entre point dans l'organisation sociale, qu'il peut bien être une charge pour la nation, mais qu'il n'en saurait faire une partie. D'abord, il n'est pas possible, dans le nombre de toutes les parties élémentaires d'une nation, de trouver où placer la caste des nobles. Je sais qu'il est des individus, en trop grand nombre, que les infirmités, l'incapacité, une paresse incurable ou le torrent des mauvaises mœurs rendent étrangers aux travaux de la société. L'exception et l'abus sont partout à côté de la règle, et surtout dans un vaste empire. Mais au moins conviendra-t-on que moins il y a de ces abus, mieux l'État passe pour être ordonné. Le plus mal ordonné de tous serait celui où non seulement des particuliers isolés, mais une classe entière de citoyens mettrait sa gloire à rester immobile au milieu du mouvement général et saurait consommer la meilleure part du produit sans avoir concouru en rien à le faire naître. Une telle classe est assurément étrangère à la nation par sa fainéantise. L'ordre noble n'est pas moins étranger au milieu de nous par ses prérogatives civiles et publiques. Qu'est-ce qu'une nation ? Un corps d'associés, vivant sous une loi commune et représenté par la même législature. N'est-il pas trop certain que l'ordre noble a des privilèges, des dispenses, même des droits séparés des droits du grand corps des citoyens ? Il sort par là de l'ordre commun, de la loi commune. Ainsi, ces droits civils en font déjà un peuple à part dans la grande nation. C'est véritablement un empire au sein d'un empire. À l'égard de ses droits politiques, il les exerce aussi à part. Il a ses représentants à lui, qui ne sont chargés en rien de la procuration des peuples. Le corps de ses députés siège à part. Et quand il s'assemblerait dans une même salle avec les députés des simples citoyens, il n'en est pas moins vrai que sa représentation est essentiellement distincte et séparée. Elle est étrangère à la nation par son principe, puisque sa mission ne vient pas du peuple, et par son objet, puisqu'il consiste à défendre non l'intérêt général, mais l'intérêt particulier. Le tiers embrasse donc tout ce qui appartient à la nation. Et tout ce qui n'est pas le tiers ne peut pas se regarder comme étant de la nation. Qu'est-ce que le tiers ?